Oyez, oyez, les jeux Mission Patrimoine sont de retour en point de vente et sur fdj.fr. Avec les tickets à gratter illico Mission Patrimoine, vous pouvez gagner jusqu'à 1,5 million d'euros tout en aidant le patrimoine français. Pour chaque ticket acheté, une part est reversée à la Fondation du Patrimoine pour aider à la restauration de monuments en péril. Alors jouez pour vous et pour l'histoire. Couleur préférée ? Le rouge. Idée du bonheur ? Lutter. Idée du malheur ? Se soumettre. Plat préféré ? Le poisson. Poète préféré ? Shakespeare. Devise préférée ? Rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Alors, la couleur préférée des Mars, bien sûr, étaient les rouges. Hein? C'était les rouges. Alors, moi, au XXe siècle, j'ajouterais les noirs. J'aime bien la combinaison du rouge et du noir. Max, sa couleur préférée, je ne sais pas, je pense que c'était la couleur des yeux de sa femme. Karl Marx, l'inconnu. Une série documentaire de Christine Le Cerf, réalisée par Franck Lilin. Qu'est-ce que Marx aimait manger ? Je dirais comme c'est, mais c'est une pure hypothèse, qu'il aimait beaucoup les goulashs hongrois. Mais je ne peux pas les prouver, malheureusement. Marx, son plat préféré ? C'est difficile de répondre à ça. On sait qu'il aimait beaucoup les poissons, mais on ne sait pas exactement quel plat. Je ne sais pas. Est-ce que Marx a jamais accordé la moindre importance au contenu de son assiette ? Il y a un certain ascétisme qui me semble consubstantiel à la vie intellectuelle. Marx, son vertu préférée dans sa vie intellectuelle, c'était certainement l'audace. Il était très audacieux en ses projets. Alors, je dirais la honnêteté et l'audace. Vous êtes devant un choix difficile à faire. Hein. Choix difficile. Parce qu'il y a des vertus intellectuelles. L'audace de la pensée. L'audace de la pensée. Ça, sûrement, pour lui, c'est une chose très importante. Seulement, ça nous met dans la pensée. C'est aussi un combattant. C'est un militant historique. Donc, c'est aussi le courage lucide. Mettez au-dessus de tout le courage, l'obstination, l'opiniâtreté. Oui, oui. Ne pas courber la tête, ne pas baisser les bras. Ça va lui coûter des peines infinies, des travaux d'Hercule, mais il peut, au moment de mourir, tendre aux classes laborieuses cette espèce de feuille de route de vade-mecum. Allez-y. Cinquième et dernière partie, pour l'avenir. Ah, question vache. Ce qui mérite le plus chez Marx. Ce qui peut irriter chez Marx, je sais bien, mais moi, c'est pas ce qui mérite. Ce qui peut irriter, ce qui irrite beaucoup de gens, c'est que Marx était d'une intelligence formidable, quoi, impressionnante. Indéniablement, il en était très conscient. Donc, c'était pas modeste. Je pense qu'on peut le caractériser avec ce vers de Corneille qui disait « Je sais ce que je vaux et crois ce qu'on m'en dit ». Marx n'était pas immodeste. Man versteht eigentlich sehr viel mehr. On comprend mieux quelqu'un quand on l'envisage à travers ses contradictions. Dazu gehört eben, finde ich, auch diese kleinen Eitelkeiten, ein Mann. À travers toutes ces petites vanités qui font aussi partie de la personnalité humaine. Der sich seiner selbst ja sehr bewusst war. Marx. Und Marx fehlte es nicht an Selbstbewusstsein. Était très conscient de sa propre valeur. Zu sehen, dass das sozusagen dazugehört, dass nicht nur. Il était loin de manquer de confiance en soi. Cela faisait partie de son personnage. Marx avait ses défauts et ses qualités, comme tout être humain. Was mich an Marx am meisten irritiert. Ce qui m'irrite le plus chez Marx. C'est peut-être son côté blessant. Vielleicht manchmal eine verletzende Konsequenz. Also das ist die Kehrseite von dieser Rücksichtslosigkeit. Es ist nicht nur eine inhaltliche Il n'était pas seulement intransigeant dans la pensée, mais il était aussi avec les autres. Weilen auch eine menschliche Rücksichtslosigkeit. Marx ne se souciait pas des conséquences de ses réactions. Entweder keine Gedanken darüber macht oder es ihm vielleicht auch egal ist. Ni de l'impact de ses conflits avec les autres. Auf andere wirken. Das finde ich wirklich auch richtig negativ an der Person. C'est un trait de son caractère que je trouve vraiment négatif. Ce qui m'irrite le plus chez Marx, alors j'avais pas immédiatement pensé à cette question, mais peut-être qu'on pourrait se dire que cette très grande énergie, vorace, curiosité, capacité théorique énorme a parfois limité peut-être sa sensibilité aux autres. Peut-être qu'il avait dans cette énorme puissance de travail, une sensibilité aux autres qui était un peu amoindrie par moment. Ce qui m'irrite chez Marx, Rolf Hecker, c'est cette façon parfois très cavalière de traiter les gens, mit Menschen, mit denen Marx zunächst en particulier ses amis proches avec qui il pouvait se brouiller. Et chez Marx, ces brouilles étaient toujours très violentes. Sehr starken Emotionen und mit einem Buch verbunden, was so c'était de véritables ruptures. Vorhergehenden Freund ins Gericht geht. Il se montrait particulièrement dur envers ses anciens amis. Das irritiert mich manchmal. C'est cette dureté chez Marx qui m'irrite parfois. Mais l'exil y était sans doute pour quelque chose. Il forçait à avoir une certaine dureté. Et il y avait aussi le combat politique qui exigeait une certaine rudesse et qui, au XIXe siècle, était particulièrement violent. Ah ja. Also, was lesen Sie hier? Also, Sie geben auf? Die Statut de l'Association Internationale des Travailleurs. Michael Kretke. Voté à la séance au 5 septembre 1866. Ce document est écrit à la main par Marx lui-même en français. Français était la langue, une des langues officielles de la première internationale, l'Internationale des travailleurs, l'Association internationale des travailleurs. Hier haben wir noch ein Dokument. C'est un document qui montre que Marx recherche le compromis. Wenn Sie so wollen, als den Konsensfinder. Götz Lankau. Dokumentiert. Später wird das anders. Mais plus tard, lorsqu'il aura affaire aux bakounistes, mit den bakounisten, le compromis ne l'intéressera plus. Ist an einem Konsens il cherchera par tous les moyens à imposer sa propre ligne. Ce qui aura pour effet de précipiter l'éclatement de la Première Internationale. Londres, le 15 janvier 1866. Cher Liebknecht, bonne année. Excuse mon silence. Tu n'imagines pas à quel point je suis bothered par le peu de temps que j'ai. L'International Association m'accapare complètement. Je te joins les cards of membership. Je les ai réglés. Tu peux donc les remettre à qui tu veux. Il te suffit d'inscrire le nom. Pour les ouvriers, c'est avantageux. 5 shillings, c'est une broutille. Et ces cartes peuvent leur servir à l'étranger et leur procurer du travail. L'association a fait de grands progrès. Elle possède déjà un journal en anglais, un organe à Bruxelles, un organe français à Genève et un organe allemand. Je te communiquerai les questions qui doivent être débattues fin mai au congrès de Genève. Salut, ton Karl Marx. Karl Marx war von 1864 bis 1872 Mitglied des Generalrats der Ersten Internationale. De 1864 à 1871, Karl Marx fait partie du Conseil général de la Première Internationale. Das war ein Gremium, das die Aktivitäten der Ersten Internationale in ganz Europa koordinierte. C'est un comité qui coordonne les activités de l'Internationale dans toute l'Europe. Es saß in einem Jürgen Harris. Hinterzimmer. Les membres se réunissaient tous les mardis soirs dans l'arrière-salle d'un local syndical anglais. Marx saß eben dort mehr oder weniger regelmäßig jeden Dienstagabend. Marx s'y rendait presque chaque semaine. Il y avait des leaders syndicaux britanniques, des militants ouvriers, des activistes venus des quatre coins de l'Europe qui avaient atterri à Londres pour diverses raisons. Marx y assistait donc tous les mardis. Marx saß also dienstagsabends in diesen Besprechungen dieses Generalrats. Le comité jugeait ces réunions si importantes hielt der Generalrat für so wichtig, dass qu'il en faisait faire des comptes rendus systématiques. Donc, il va privilégier pendant ces années son activité, sa réflexion théorique, c'est son travail sur le capital, mais il attend une conjoncture où il puisse avoir une activité politique plus soutenue. Michael Levy. Et cette conjoncture va apparaître en 1864, avec la fondation de l'Association internationale des travailleurs, la Première internationale. Tout de suite, il va participer à cette initiative. Il va rédiger la déclaration inaugurale de l'internationale, où apparaît une phrase qui est très importante. L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Donc, tout de suite, après 1864, il reprend une activité politique soutenue. Hein, il va être un des principaux dirigeants de la Première Internationale. He was thought of in the international as someone. Au sein de l'AIT, Marx était généralement considéré comme quelqu'un de très informé sur quantité de sujets. He was seen as Gareth Stedman Jones. C'était un exilé, un peu bizarre, avec un accent allemand prononcé, mais capable de remarques très pertinentes, particulièrement au fait de la situation en Allemagne, en France et en Belgique. On le considérait un peu comme un expert, dont on respectait les avis. And on the whole, of course, he didn't want to stand out. Au sein de l'international, as it were, to Marx ne cherchait pas tant à se mettre en avant what he thought of as a working class qu'à montrer à la classe ouvrière l'étendue de ses possibilités. Show the possibilities that the working class have, and so à lui permettre d'exprimer sa propre vision politique. Considérant que l'émancipation de la classe ouvrière doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, que l'assujettissement économique du travailleur aux détenteurs des moyens du travail est la cause première de la servitude, que l'émancipation du travail, qui n'est un problème ni local ni national mais social, embrasse tous les pays dans lesquels existe la société moderne, que tous les efforts tendant à ce but ont jusqu'ici échoué, faute d'une union fraternelle entre les classes ouvrières des divers pays, pour ces raisons, l'Association internationale des travailleurs a été fondée. Lors de ces réunions hebdomadaires, on évoquait des questions politiques, notamment la politique intérieure des pays européens. On abordait également les revendications syndicales et les questions sociales, comme la réduction du temps de travail. Aber natürlich eine ganz große Rolle spielten auch l'un des sujets principaux, c'était les mouvements de grève. Es ging also vor allen Dingen auch darum, dass Streiks. L'international cherchait en effet à empêcher que les travailleurs venus du continent nicht durch kontinentale Streikbrecher viennent briser les grèves en Grande-Bretagne. Das war einer der Gründe. C'était d'ailleurs l'une des raisons d'être de cette première internationale. Und es eben zu Kontakten zwischen mettre en contact les organisations ouvrières britanniques et continentales. Den kontinentalen Arbeiter Organisationen kam. Moi, je trouve que c'est assez passionnant l'AIT parce que ça montre aussi à Marx qui n'est pas un Marx sectaire. Pierre Louvard. C'est-à-dire, quand il pense que, et il a raison, l'ensemble des pays d'Europe de l'Ouest s'industrialisent, il essaie de réunir l'ensemble des courants qui sont en train d'organiser la classe ouvrière en Europe et il les réunit, il arrive à les réunir à Londres à l'occasion de l'exposition universelle, c'est un coup de génie quoi. Und wir haben dann Diskussionen zum Beispiel über die Maschinenfrage. Au sein de l'AIT, on débat également de la question des machines. Wir haben ja am Beginn der industriellen Revolution, haben wir ja in ganz Europa. Au début de la révolution industrielle, Bewegungen der Maschinenzerstörung. Le mouvement des briseurs de machines s'était développé dans toute l'Europe. 1860er Jahren in der ersten Internationale wird eben weiter. Et la question faisait encore débat dans les années 1860 au sein de la première internationale. Marx stellt eine Position vor, wo er sagt, ja. Marx adopte là encore une position médiane. Il dit, certes, les machines risquent de conduire à une destruction de la famille et des ouvriers. Mais en même temps, elle permettrait d'organiser différemment le travail et d'améliorer les conditions de vie. Ceux qui s'opposent aux machines sont plutôt les ouvriers français. Les partisans de Pierre-Joseph Proudhon, qui considèrent l'arrivée des machines comme quelque chose de forcément négatif. Il faut par ailleurs rappeler que le comité de la première internationale comptait aussi quelques femmes dans ses rangs. Harriet Law, par exemple, qui était une libre penseuse britannique et l'un des premiers membres du comité. Harriet Law participe au débat sur les machines et défend une position assez proche de celle de Marx. Von der häuslichen Sklaverei stärker entlastet werden. En disant que les machines permettent de libérer les femmes de l'esclavage du foyer, en leur donnant la possibilité de travailler et de subvenir à leurs besoins. La question des machines était en effet intrinsèquement liée à celle du travail des femmes et des enfants. En ce sens, la position d'Harriet Law se rapproche davantage de celle de Marx que de ceux qui s'opposaient aux machines et surtout au travail des femmes. Wir können in der ersten Internationale lange Zeit einen Marx beobachten. Marx, au sein de la première internationale, zwischen den verschiedenen Positionen auszutauschen. C'est quelqu'un qui essaye toujours de concilier les points de vue, auch de trouver un compromis entre les différentes positions. Politisch eine vermittelnde Rolle zwischen den verschiedenen Positionen hatte, autant sur le plan théorique que politique. So formuliert hat. L'AIT rassemblait des organisations dont les animateurs avaient des opinions très diverses. Fabrice Ben Simon. Et qu'a opposé Marx à Bakounine, c'est une conception sur le type d'organisation qu'il fallait constituer. Bon, Bakounine, il était issu d'une tradition qui avait beaucoup compté à une époque, était celle des sociétés secrètes. Marx, ce qu'il a trouvé d'extrêmement important dans l'AIT, c'est le fait qu'elle mobilisait des organisations qui avaient pignon sur rue, qui publiaient des journaux, qui organisaient des réunions publiques, qui avaient des adhérents, qui cherchaient à se développer et qui disaient ouvertement, et non pas dans le secret des tavernes et des clubs enfumés, que l'émancipation des travailleurs se relève des travailleurs eux-mêmes. L'historiographie, et en particulier l'historiographie marxiste, a toujours eu tendance à considérer la Première Internationale comme un mouvement manichéen qui cherchait à imposer sa vision du bien et du mal, à imposer les idées de Marx en Europe et à faire de ce mouvement un lieu où Marx luttait contre ses ennemis. Bref, un mouvement pris dans les querelles de factions et les conflits sectaires. Mais si on analyse de plus près les protocoles de ces réunions, on constate qu'il s'agissait en réalité d'un véritable forum de discussion. Que ce soit les partisans de Pierre-Joseph Proudhon ou d'Auguste Blanqui, les réformistes de Robert Owen ou encore les syndicalistes britanniques, tous débattaient avec Marx, discutaient ses positions. Mais ils partageaient tous un même objectif, fonder une politique des travailleurs à l'échelle européenne. Et donc pour la première fois, il ne réussit pas à construire une organisation avec un comité central, etc., mais il réussit à réunir des travailleurs de différents pays, concrètement des ouvriers, qui étaient quand même pour beaucoup des ouvriers qualifiés, mais aussi avec tous les ouvriers des syndicats anglais, qui étaient déjà quand même très organisés à l'époque. Et cette adresse de l'Association internationale des travailleurs, je crois que c'est constitutif de tout le mouvement ouvrier, de l'ensemble de l'Europe qui s'est construit, quand même quelques décennies après, parce qu'entre les deux, il y a eu la répression de la Commune de Paris qui a mis un coup d'arrêt. Avec l'éclatement de la guerre franco-prussienne de 1870, tout le paysage européen est bouleversé. Et après la répression de la Commune de Paris, le mouvement ouvrier français, qui jouait un rôle de premier plan au sein de l'AIT, est à son tour écrasé. On ne peut pas penser l'échec de la Première Internationale sans le replacer dans ce contexte-là. Karl Marx est quelqu'un qui est un habile manœuvrier dans l'Association internationale des travailleurs. Jean-Numa Ducange. Les partisans de Bakounine n'ont pas tort de le stigmatiser comme quelqu'un qui est prêt à déplacer le siège de l'international pour faire en sorte que certaines réunions ne puissent pas s'y rendre. C'est un fait historique. On peut trouver ça bien ou mal, mais c'est un autre fait. Et une autre chose importante à souligner au niveau politique. Comme Marx n'a pas connu les partis de masse, il n'a pas été confronté à la question du pouvoir, à l'occuper. C'est un fait quand même important à rappeler. Et puis surtout, ce qu'il faut signaler, c'est que Marx, à plusieurs reprises, dissout et détruit avec une joie assez féroce les organisations auxquelles il a appartenu, en disant « mais ça sert à rien » ou « ça sert plus à rien ». Et Marx, à un moment donné, va abandonner la bataille en considérant qu'il y perd son temps et que cette internationale n'a plus lieu d'être. Donc la détruire littéralement. Pendant près de 10 ans, la Première Internationale a joué un rôle capital, car elle a été la première organisation politique à diffuser ses idées au-delà du cadre national. L'AIT a été la pierre angulaire du mouvement ouvrier européen et du socialisme européen. Et natürlich zu wünschen gewesen. Et il est vraiment dommage que toutes ces discussions transnationales n'aient pas pu se poursuivre. Et je pense que ça a donné, non pas un élan immédiat, parce qu'il y a eu l'écrasement de la Commune, mais ça ressurgit plusieurs décennies après. Et quand on pense que quelqu'un comme Eugène Varlin, qui est mort sur les barricades de la Commune, a assisté, a fait partie de l'AIT, ça montre toute l'importance. Eugène Varlin, je pense que c'est un des plus beaux héros de la classe ouvrière française. Il n'est pas suffisamment connu, à mon sens, mais ça montre toute l'importance que ça a eu après, quand le mouvement ouvrier a redémarré, après l'écrasement de la Commune, cette chose fondatrice qu'a été l'Association internationale des travailleurs. Bordeaux. Avril 1871. Ma chère sœur, je n'ai eu aucune nouvelle de Paul jusqu'à présent. Peut-être ne peut-il pas rentrer, même s'il le désire. Ou bien la vue des barricades lui a-t-elle donné envie de se joindre à la bataille? Cela ne m'étonnerait pas et ne me ferait rien si j'étais avec lui. Car moi aussi, je me serais battue. J'avais envie d'aller à Paris. Mais la maladie du bébé a empêché mon départ. Bien affectueusement, ta sœur, Laura Lafargue. Un des épisodes les plus fascinants dans l'histoire de la famille Marx, c'est l'implication personnelle des sœurs Marx dans la Commune de Paris. Dans les années 1870-1871. Rachel Holmes. Laura, la seconde fille de Marx, avait épousé Paul Lafargue, qui était devenu un communard, et ils vivaient à Bordeaux. Laura écrit un jour à sa sœur Jenny: je suis vraiment inquiète. Paul est monté à Paris pour préparer l'organisation de la commune à Bordeaux et il a disparu. Il faut se souvenir du climat de l'époque. Il y avait la guerre entre la France et la Prusse. Paris était occupé. La commune avait été proclamée. Les communards se battaient sur deux fronts, contre un gouvernement provisoire réactionnaire et contre l'armée prussienne. Jenny et Eleanor Marx prennent tout de même le risque de rejoindre la France en bateau. À leur arrivée à Bordeaux, elles découvrent que Paul Lafargue est revenu de Paris, mais qu'il est désormais activement recherché. Alors que Marx et Engels sont à Londres, les trois sœurs sont dans la tourmente. Elles doivent se cacher et s'inquiètent beaucoup de ce qui peut leur arriver. Il faut dire que la semaine sanglante vient d'avoir lieu. La situation est terrifiante et vraiment dangereuse. Les communards sont traqués et arrêtés. Paul risque d'être exécuté. Lorsqu'elles cherchent à rejoindre l'Angleterre, elles sont arrêtées par la police. Eleanor n'a que 16 ans et Jenny environ 25. Elles sont embarquées dans un fourgon et placées sous surveillance armée. Elles en font voir de toutes les couleurs aux gendarmes. Elles les traitent de tous les noms. Les accusent d'être des mouchards et finissent par être emprisonnés. 10 jours plus tard, elles sont enfin autorisées à embarquer pour l'Angleterre. À leur retour, Londres fourmille de communards en exil. Marx et Engels demandent bien sûr aux filles de leur faire le récit de la commune. Elles en sont les rapporteuses officielles, parce que ce sont elles qui l'ont vécu. Toute cette histoire des années 70-71, tout l'engagement des Marx et de leurs amis pour venir en aide aux communards exilés et recherchés par la police, c'était une affaire qui les touchait personnellement. L'histoire de la Commune de Paris pour eux, ce n'était pas seulement un texte abstrait de Marx. C'était une histoire vécue qui faisait partie intégrante de leur vie de famille. À l'aube du 18 mars, Paris fut réveillé par ce cri de tonnerre : vive la Commune ! Qu'est-ce donc que la Commune ? Ce sphinx qui met l'entendement bourgeois à si dure épreuve. Son véritable secret, le voici : c'est essentiellement un gouvernement de la classe ouvrière, la forme politique enfin trouvée. Le Paris ouvrier, avec sa commune, sera célébré à jamais comme le glorieux fourrier d'une société nouvelle. Le souvenir de ces martyrs est conservé pieusement dans le grand cœur de la classe ouvrière. Londres, le 30 mai 1871. tous ces textes s'inscrivent vraiment dans une description qu'on va retrouver à peu près au même moment, d'ailleurs, chez Hugo. Je ne sais pas si Hugo a lu Marx ou si Marx a lu Hugo. Jacques Attali. Mais c'est la même description d'une espérance sociale qu'on retrouve évidemment chez Hugo et chez Marx, une espérance sociale portée par un souffle révolutionnaire qu'on trouve nulle part ailleurs, parce que c'est un souffle véritablement lyrique. La Commune de Paris, évidemment, c'est le grand événement révolutionnaire du XIXe siècle, le plus radical, celui qui allait le plus loin. Et Marx s'est tout de suite enthousiasmé pour la Commune de Paris. Il a suivi de près les événements, et après la défaite de la Commune, il a rédigé un texte qui est un de ses textes politiques les plus importants, qui est « Guerre civile en France hein, », qui est un hymne à la gloire de la Commune, comme première tentative pour le prolétariat de s'emparer du pouvoir, comme première expérience d'un vrai gouvernement des travailleurs, une vraie révolution sociale prolétarienne. C'est la première fois qu'un intellectuel de haut vol se penche sur la première tentative d'instaurer un régime socialiste quelque part sur la Terre. En 1871, Marx a 53 ans. Pierre Bergougnou. Il est encore dans la plénitude de l'âge. Il annonce depuis le début que le régime capitaliste engendre, outre une immense accumulation de marchandises, ses propres fossoyeurs. Ben les voilà, les fossoyeurs. Ce que Marx attend et ce qu'il appelle de ses voeux, ce sont les communards qui inventent ces formes politiques, qui inventent ces façons d'être ensemble, qui inventent cette société nouvelle. Il trouve dans la Commune justement une invention de formes politiques, une intelligence politique extraordinaire qui, en un sens, dépasse de loin toute intelligence individuelle, à commencer par la sienne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas inventer l'histoire à la place de ceux qui la font. Isabelle Garraud. Pour Marx, ça va être un moment exceptionnel. C'est un peu le moment politique dont il rêvait, en dépit de l'échec, qui est plutôt un massacre d'ailleurs qu'un échec de la Commune par elle-même. C'est la répression qui va abattre la Commune. Donc c'est grand moment de surgissement d'une révolution. Le gouvernement de la Commune, pour Marx, est exemplaire de ce point de vue-là, parce que tout de suite, il va se saisir de questions sociales. C'est l'autogouvernement des producteurs, dit Marx, et les premières mesures de la Commune sont des mesures qui concernent le temps de travail, le travail de nuit, le travail des femmes, les questions de l'éducation. Donc une capacité de ce gouvernement à organiser tout autrement la vie sociale, en dépit de la faible durée de la Commune parisienne. Puis la Commune, c'est la capacité à trouver des formes politiques. Alors Marx dit dans son texte qui s'appelle « La guerre civile en France », dit que c'est une forme, la forme enfin trouvée, qui permettait l'émancipation du travail, dit-il. Et il ajoute que c'est une forme susceptible d'expansion. Et là, ça, c'est du côté des choses que la Commune lui apprenne. Et dans son texte, on voit qu'il veut apprendre avec les événements de la Commune. Disons, il essaie de tirer les leçons de cette expérience et de voir qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau et en quoi elle exige de sa part une certaine reformulation de sa théorie. Surtout dans un sens anti-étatique. Anti-étatique, c'est-à-dire d'abord l'idée que la révolution, les travailleurs ne peuvent pas s'emparer de l'appareil d'État bourgeois et les mettre à leur service, mais doivent les détruire, détruire l'appareil policier, répressif, l'armée des fonctionnaires, etc., pour créer autre chose. Et cette autre chose, bon, c'est la démocratie révolutionnaire, la démocratie des travailleurs. Bon. Il est pour la conquête du pouvoir d'État, contrairement à ses adversaires anarchistes, Bakounine, avec lesquels il a beaucoup ferraillé dans l'Association internationale des travailleurs. En revanche, il y a une sensibilité anti-étatiste chez Marx, avec l'idée que quand même il faudra se débarrasser de cette vieille bureaucratie qui vient, en fait, par exemple pour le cas français, de l'État absolutiste. Il veut s'en débarrasser car les rapports de domination et d'exploitation sont quand même régulés par l'État et l'État, pour lui, dans l'absolu, à la fin, doit dépérir, doit disparaître. Comme le dira son ami Engels, l'État, c'est comme toute une série de choses dans l'histoire, on devra le ranger au musée. Le thème de Marx ensuite, ce sera le bris de l'État. Vraiment, la volonté de détruire tout de suite cet appareil d'État. Non pas, et c'est ce qui distingue Marx des anarchistes d'ailleurs, non pas pour abolir toute instance de régulation centrale, mais pour restituer aux individus eux-mêmes, sous des formes cette fois démocratiques, et c'est ça que Marx entend par vraie démocratie, pour restituer aux individus eux-mêmes la possibilité de gérer, d'organiser leur propre vie. Pour Marx, il est nécessaire d'avoir un niveau global de régulation et d'intervention dans la réalité sociale. Mais ce niveau global ou ce niveau central ne doit pas être un niveau confisqué par un personnel politique. Donc la démocratie, c'est synonyme, on pourrait dire ça, hein, synonyme de cette destruction de l'État, de ce bris de l'État que Marx appelle de ses voeux, et dont la Commune de Paris, pour lui, s'est vraiment approchée. Marx a vu arriver des exilés, communards, communeux. Londres est devenue une espèce de capitale du socialisme français. Michel Perrault. Et là, Marx les a vus tous. Et il y en avait deux qu'il fréquentait beaucoup sa maison. C'était Longuet et Lisa Garret. Et il se trouve que ces deux hommes-là ont fait la cour aux filles de Marx. Et que Longuet a épousé l'aînée, Jenny. Et que la dernière, Éléanore, était très amoureuse de Lisa Garret. Mais Marx n'aimait pas Lisa Garret parce qu'il le trouvait au fond trop français. Trop français, c'est-à-dire trop tête brûlée, trop panard, trop libertaire, trop panard. Et ça lui plaisait pas du tout. Et finalement, il s'est opposé au mariage de Éléanore avec Lisa Garret. Éléanore qui en a été très malheureuse, absolument. Elle est la figure même de la jeune femme qui est prise entre deux feux, on peut dire. D'une part, elle aime son père. Non seulement elle l'aime, mais elle le vénère. Elle le vénère comme penseur. Donc, elle est prête à tout pour se sacrifier pour faire ça. Travailler avec son père pour son père. Corriger ses manuscrits, diffuser sa pensée, voilà, elle veut tout ça, elle est absolument, elle l'adore. Mais d'un autre côté, elle voudrait vivre pour elle. Et elle se rend compte aussi que Marx, de ce point de vue-là, n'est pas du tout libérateur. Sa mère, Jenny, Jenny, elle aussi, elle a sacrifié sa vie pour Marx. Et elle trouve que sa mère est résignée. Et elle veut pas ça, elle. Elle veut aimer, elle veut voyager, elle veut vivre librement. Mais lui, comme on l'a dit déjà, Marx refuse. Elle sombre dans une déprime extrême. Et à ce moment-là, Marx, au lieu vraiment de prendre en compte les raisons de sa déprime, considère que c'est un mal de femme. Voilà, c'est les femmes comme ça. Voilà, bon, c'est tout. Was mich an Marx irritiert, ce qui m'irrite chez Marx, ist eigentlich, dass er seine Frauen vielleicht doch ein bisschen zu schlecht behandelt hat. C'est son comportement envers les femmes de sa famille. Dass er sie nicht, also vor allem seine Töchter, nicht qu'il ne les ait pas laissé vivre leur vie. Leben ließ, sondern sehr stark eingriff. En particulier ses filles. Sur lesquels il avait une très grande influence. Il les a embarqués dans son entreprise, entre guillemets, c'est-à-dire la production de son œuvre, au mépris de leurs propres rêves, notamment ceux d'Eléanor qui voulait faire carrière dans le théâtre. Ça m'irrite, oui, ça m'irrite. Quand je vois de près comment il ne la comprend pas, alors qu'il l'aime, il l'aime. L'amour n'est pas en question, mais comment il a des œillères. Lui, qui décrypte la société, ne comprend rien à sa fille, Éléanore. Marx et les femmes, c'est quelque chose de complexe, on va dire, parce que Marx est marqué par les préjugés de son temps, à certains égards, qui transparaissent très nettement dans sa relation à ses filles, dans certaines remarques. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est attentif à la domination des femmes par les hommes. Donc voilà, une situation complexe, et Marx n'est pas indemne, et après tout c'est aussi ce qui le rend humain, un certain nombre de préjugés de son époque. au fond, le milieu des Marx, c'est un milieu de bourgeoisie victorienne. La famille Marx participe à son temps. Elle est dans son temps, bien entendu, elle en est complètement affranchie à cause de la pensée de Marx, mais dans la vie quotidienne, elle baigne dans une atmosphère victorienne et elle en partage le quotidien et même les œillères, et même la pudibonderie et les principes. There was a very popular Victorian à l'époque victorienne, il y avait un jeu de société très populaire qui s'appelait le jeu des confessions. On y jouait beaucoup chez les Marx. Tout le monde aimait ça, les adultes comme les enfants. Il fallait répondre à des questions personnelles sur ses préférences. Et grâce à Eleanor, on a la trace des réponses de toute la famille Marx. C'est l'album du jeu des confessions que nous avons édité pour la première fois dans son intégralité. C'est une véritable découverte parce qu'on connaissait déjà les réponses de Marx, d'Engels, des filles et de Jenny. Mais on ne savait pas du tout que d'autres personnes avaient joué avec eux. Là, par exemple, vous pouvez voir la signature de Heinrich Heine. C'était un jeu vraiment très populaire à l'époque. Tenez, là, par exemple, vous avez les réponses d'Eleanor Marx. Der zehnjährigen Eleanor, qu'on surnommait Tussi. Elle avait 10 ans à l'époque. Und auf der anderen Seite, der Fragebogen des Hundes. Et sur la page d'à côté, der hieß Whisky. Und, il y a les réponses de leur chien Whisky. So, ne? Hat also die Tussi auch für den Fragebogen Tussi avait rempli le questionnaire pour le chien. Elle avait écrit ses préférences, etc. C'était drôle. Macht das Spaß? Ça a amusé Marx et toute sa famille. Familie, ja, das kann auch Spaß machen. On savait aussi s'amuser chez les Marx. Fleur préférée, le laurier. Couleur des yeux préférée, noir. Vertu préférée, la simplicité. Occupation préférée, dévorer des livres. Héros préférés, Spartacus et Kepler. Maxime, douter de tout. Marx, jeune ou vieux, très dialectiquement, les deux à la fois. Les deux contraires à la fois. Marx, jeune, oui, bien sûr, parce que penseur actuel, et puis parce que penseur en mouvement. Et puis homme d'humour, homme d'intelligence, homme pétillant. Très vieux, quand même. Vous vous rendez compte qu'on a célébré le bicentenaire de sa naissance. Oh, moi, ça m'a fait un drôle d'effet. Vous savez. Et en même temps, qu'un penseur déjà aussi ancien, finalement, aussi loin de nous, soit d'une telle actualité, moi, ça, je trouve ça fascinant. Vraiment fascinant. Donc, jeune et vieux, les deux complètement ensemble. Pour moi, c'est surtout le vieux Marx qui me fascine le plus, parce que c'est dans les dernières deux décennies de sa vie qui était vraiment un chercheur interdisciplinaire, empirique. Et alors, je le préfère dans sa force maturée, comme adulte, comme chercheur qui fait face à toutes les questions importantes de son monde, de son temps. Ce sera le dernier Marx qui continue de creuser du côté des recherches qu'il avait entamées auparavant, mais qui retrouve aussi des intuitions de jeunesse, qui garde sa vigueur, sa colère, qui garde sa curiosité, qui reste jeune d'un certain point de vue, et en même temps c'est un Marx fatigué, un Marx qui reste jeune, oui, tout en étant lesté par l'âge qui est le sien. Voici les deux derniers volumes de notes de Marx, que j'appelle les cahiers polyglottes. Götz Lankau. Ce sont des notes que Marx a prises pendant les dernières années de sa vie. Quand il poursuivait encore activement ses recherches. Aber eben, und das ist auch hier wieder interessant, ce qui est intéressant dans ces cahiers, nicht nur die c'est Ökonomie, que Marx ne travaille pas seulement sur l'économie. Aber auch die Ökonomie. Zwei Hefte, wir gucken uns eins, on va regarder un cahier d'un peu plus près. Die Marx, 1881, celui-là date de 1881-1882. Gefüllt hat, kann man nur sagen. Und Marx l'a littéralement couvert de notes, il faut bien le dire. Wie viele verschiedene Sprachen da drin. Vous remarquerez sûrement toutes les langues qui sont parlées, enfin écrites. In dem ersten ist es italienisch. Dans le premier cahier, il y a de l'italien, du français et de l'allemand. Und Deutsch, et là, de l'allemand, du français et du russe. Deutsch, französisch und russisch. Michael Heinrich. Erst Mitte der 70er Jahre kann er sich wieder. Marx commence à se consacrer entièrement au volume 2 du Kapital. Voll dem zweiten Band des Kapitals. Au milieu des années 1870. Nun war Marx ein extrem lernfähiges und auch lernbegieriges. Il fera preuve d'une très grande capacité d'apprentissage et d'une vive curiosité intellectuelle jusque dans ses dernières années. Ende 50 oder Mitte 50 à bientôt 60 ans, Russisch, damit er russische ökonomische Literatur, il se met à apprendre le russe pour pouvoir lire les textes économiques dans la langue originale. Ihm ist klar, dass in den USA, il élargit également ses recherches aux États-Unis. Nach dem Ende des Bürgerkriegs, also Ende der 60er, car il est convaincu qu'après la guerre de sécession, les États-Unis vont connaître une évolution sans précédent, et que ce processus, qui avait duré plusieurs dizaines d'années en Angleterre, va s'accomplir très rapidement, en quelques années seulement. Im zweiten und dritten Band tout cela, il veut l'analyser dans les volumes 2 et 3 du Capital. Mais ce n'est pas tout. In den 70er Jahren plant er, il envisage dans un même temps de se pencher sur le système bancaire et le système de crédit américain plutôt que sur l'anglais. Car pour lui, c'est là que le système capitaliste est le plus moderne. Marx envisage également d'inclure dans son étude sur la rente foncière, qui devait à l'origine se concentrer sur l'Angleterre, une analyse des systèmes de propriété foncière en Russie et aux États-Unis pour les comparer avec le système anglais. Marx avait compris que le développement du capitalisme était tout sauf linéaire, qu'il progressait par bifurcation, se manifestait selon différents systèmes et différentes évolutions. Entwicklungen, das will er alles einbeziehen. Das heißt, in den 70er Jahren, tout cela, il veut en rendre compte. Et pour y parvenir, seinen Untersuchungshorizont enorm aus. Marx accroît donc considérablement le champ de ses recherches. Marx essaye de pas simplement présenter une image d'un capitalisme pur, d'un système complet, mais aussi d'analyser un développement des tendances, de changements, de ruptures, de transformations. Et le centre du critique du capitalisme de la part de Marx est l'idée que le capitalisme va créer des tendances à l'autodestruction et à la destruction de ses propres bases. La nature, les richesses de la nature, l'environnement est l'un, et l'homme, le travailleur vivant, est l'autre. Ça, c'est le centre de la critique du capitalisme de Marx. Pas la morale, pas l'injustice, mais ça. C'est un système instable qui va produire des crises, des catastrophes et à la fin, l'autodestruction de ses propres bases. Marx intended to write two volumes. Lorsqu'il travaille sur le volume 2 du Capital, Marx essaye de concevoir la façon dont le capitalisme pourrait s'effondrer. Mais il ne parvient jamais à démontrer de façon convaincante le processus de cet effondrement. Dans le Capital, il ne parle d'ailleurs jamais d'effondrement, mais seulement d'ébranlement. Il écrit Erschüttert. S'il est question d'effondrement, c'est plutôt sous une forme poétique. L'une des découvertes de Marx les plus profondes, les plus vraies et les plus tristes sur le capitalisme, c'est son caractère protéiforme, sa capacité à se recréer, à changer, à s'adapter. C'est pourquoi il pensait que ce serait très difficile de s'en débarrasser. Précisément à cause de cette capacité qu'a le capitalisme de toujours s'adapter et de détourner tout obstacle sur son chemin. Marx ist nicht abgeschlossen. Er hat ja auch zu Lebzeiten sein Werk nicht abgeschlossen. Er war sehr vorsichtig. Pour moi, Marx, ce n'est pas quelque chose de clos. Marx n'a pas une œuvre achevée. Eberhard Illner. Er hat sogar am Ende. Marx était quelqu'un de très prudent. Et vers la fin de sa vie, il a dû se résoudre à capituler, à renoncer à ses ambitions. Il avait des problèmes de santé, mais il n'avait pas non plus réussi à prouver que le capitalisme allait de lui-même s'effondrer. Il n'était pas parvenu à le démontrer. Et après l'avoir compris, il s'est tourné vers d'autres sujets. Il sait que rien n'est compréhensible sans comprendre tout. Il est pluridisciplinaire et s'intéresse à la physique, à la chimie, à la géographie, à l'histoire, à l'idéologie. Il utilise tous les savoirs, il est l'homme de la curiosité absolue, celui qui nie l'ensemble des sectarismes qui limitent la pensée dans un secteur. Il sait qu'il faut penser de la façon la plus globale possible. But one thing is clear. And that is for the last 7 or 8 years. On sait que pendant les 7 ou 8 dernières années de sa vie, Marx ne montrait plus ses manuscrits à Engels. Engels thought he was getting on with. Il prétendait travailler sur le volume 2 du Capital, et c'est ce que Engels croyait, alors que Marx était passé depuis longtemps à autre chose. Il avait préféré se consacrer à l'histoire ancienne, aux sociétés primitives, plutôt que de s'acharner à démontrer l'effondrement du capitalisme. Et cet intérêt du dernier Marx pour cette histoire-là l'amène à se pencher davantage sur des écrits anthropologiques, sur des écrits ethnologiques, qui le conduisent aussi à revoir un peu ses jugements sur les sociétés traditionnelles, sur le développement en mode de production successif, à avoir une vision de l'histoire beaucoup plus plurielle, beaucoup plus décentrée aussi que celle qui a pu être auparavant la sienne. Donc à réviser vraiment en profondeur sa conception de l'histoire et sa conception aussi des perspectives politiques. Isabelle Garraud. Et on va trouver donc chez le dernier Marx des choses absolument passionnantes qui sont en cours encore de traduction. Ce sont des carnets de notes. Malheureusement, il est mort avant d'avoir rédigé l'ouvrage qu'il projetait, sans doute. On n'en sait pas beaucoup plus, mais on a quelque chose comme 30 000 pages de notes. C'est absolument énorme. Et ces notes portent en grande partie sur des textes ethnologiques, en grande partie aussi sur la Russie. Et Marx va s'intéresser à ces formes qu'on trouve dans les sociétés traditionnelles, qui lui redonne espoir après ce désespoir de l'échec de la Commune. Ses regards se tournent aussi vers des contrées où on trouve encore des vestiges ou, de façon encore très vivante, des formes traditionnelles, des communes rurales traditionnelles, donc c'est notamment le cas en Russie, qui pourraient, dit Marx, dit le dernier Marx, être un point d'appui, un levier pour une transformation qui ne passerait pas par le capitalisme. « 16 février 1881, Genève. Honoré citoyen, vous n'êtes pas sans savoir que votre capitale jouit d'une grande popularité en Russie. Bien que le livre ait été confisqué, les quelques exemplaires qui restent sont lus et relus. Mais ce dont vous ne vous rendez sûrement pas compte, c'est le rôle que joue votre capitale dans les discussions que nous menons en ce moment, en Russie. Certains prétendent que la communauté rurale, étant une forme archaïque, serait vouée à la ruine par l'histoire. Parmi ceux qui prophétisent une telle issue, certains sont des marxistes qui se disent vos disciples. Vous comprenez donc, citoyens, quel grand service vous nous rendriez si vous nous exposiez votre opinion sur les destins possibles de nos communautés rurales et sur la théorie qui veut que tous les peuples du monde soient contraints par la nécessité historique de parcourir toutes les phases de la production sociale. With respectful greetings, Vera Zasulic. Et à ce moment, elle reçoit une lettre d'une révolutionnaire russe, c'est Vera Zasulic, qui écrit une lettre au citoyen Marx, en lui demandant son opinion. Bon, donc Marx répond Michael à Levy. Vera Zasulic, il y a la lettre, il y a le brouillon de la lettre, c'est très intéressant, où il dit, bon, il y a la possibilité, effectivement, que la commune rurale russe, l'Obtchina, puisse devenir le point de départ d'un processus révolutionnaire en Russie allant en direction du socialisme. Et bon, il dit, oui, on va dire que l'Obtchina, c'est quelque chose d'archaïque. J'ai pas peur du mot archaïque, ça me dérange pas. C'est très bien, c'est des traditions pré-capitalistes. Ça peut justement jouer un rôle révolutionnaire en Russie. On voit là une constellation d'un vieux Marx, n'est-ce pas, qui s'intéresse de plus en plus à ce passé pré-capitaliste, qui est une préoccupation romantique. Hein, c'est-à-dire, bon, le passé a des valeurs que le capitalisme a détruites. Mais évidemment, pas pour revenir à la commune primitive, mais pour qu'elle puisse être un élément de transition vers le communisme moderne qui incorpore tous les acquis de la civilisation. Seine Töchter haben ihm in den 60er Jahren mal so diesen Au cours des années 1860, les filles de Marx jouaient avec leur père à ce qu'elles appelaient le jeu des confessions, lui demandant quel était son auteur préféré, sa couleur préférée, son repas préféré, etc. À la question sur sa devise préférée, Marx avait répondu De omnibus dubitandum. Alles muss bezweifelt werden. Il faut douter de tout. Und das hat sowohl nach außen gewendet, Cette devise, also Gegenstände, die er untersucht Marx l'a d'abord appliquée à ses objets d'étude, die Darstellungen, à la politique, gab, l'économie, à l'histoire. Er und will ihnen etwas Dans tous ces domaines, il a remis en question les représentations et les présupposés. Aber er hat auch sich selber bezweifelt. Mais cette devise, er Nichts, was er geschrieben hat, Il se l'est également appliqué à lui-même. Marx ne laissait jamais reposer ses textes. Il y revenait sans cesse. Marx ist ja auch einer der Autoren, C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a si peu publié. Mehr nicht veröffentlichte Werke und Entwürfe haben, als dass wir Marx fait partie de ces auteurs dont la part de l'œuvre posthume dépasse très largement celle de l'œuvre publiée de son vivant. Und das hatte natürlich mit diesem permanenten Et cela était bien sûr lié à ce mouvement incessant de recherche, à ce processus de critique permanent. La maxime préférée de Marx, c'est doute de, doute de tout, mais c'est pas une bonne traduction. Lucien Sève. Mets tout en doute, fais tout passer par le doute. C'est pas une leçon de scepticisme, c'est pas une devise de scepticisme. C'est une devise d'esprit critique universel. Voilà, ne prends jamais rien sans critique. De omnibus dubitandum, hein, c'est ça. Hein. Sa formule, c'est ça, c'est de omnibus dubitandum. Mais que je traduirais par mets tout en doute, sache mettre tout en doute. Marx, hat erst geschrieben, Marx dann gedacht. Écrivait d'abord et pensait après. Und ist dreimal rumgelaufen, Il faisait trois fois le tour de son bureau, reprenait son manuscrit, barrait tout et recommençait. Celui qui tente aujourd'hui de déchiffrer ses notes ou ses brouillons ne sait même pas dans quel sens tenir le papier. C'est quasiment illisible, même pour les experts. Man wusste um diesen Manuskriptnachlass. On connaissait depuis longtemps l'existence de tous ces manuscrits. Mehr als 120 Jahre gedauert, Mais il a fallu attendre 120 ans avant qu'il ne soit publié. Schlussendlich 2013 abgeschlossen veröffentlicht werden konnte. Gerald Hubmann. Das lag daran, Ce qu'on appelle le Kapital est en réalité un ensemble complexe de manuscrits qui sont non seulement très nombreux, mais le plus souvent à l'état de fragment. Il faut ajouter à cela l'écriture de Marx, qui est quasiment illisible. Ces manuscrits sont couverts de ratures. Ils ne sont pas datés et n'ont le plus souvent ni début ni fin. Aujourd'hui, plus de 4000 pages de nouveaux manuscrits du Capital ont été publiés. Maintenant, tout est là. Lorsqu'on entreprend de traduire et d'éditer des textes de Marx qui sont d'abord des brouillons ou des manuscrits, on est confronté à une série de difficultés. Alix Bouffard. Comment est-ce qu'on rend visible le mouvement même de sa réflexion ? C'est important d'essayer de le faire puisque ça montre que Marx, c'est pas une œuvre figée, une sorte de monolithe avec des concepts figés, des thèses figées, que ce ne sont pas des objets figés, mais qu'il y a une pensée au travail, en mouvement, en évolution. L'œuvre de Marx est fragmentaire. Il faut l'accepter. On ne peut pas réunir ces fragments en un tout sans leur faire violence. Marx est une capacité de travail prodigieuse, jusqu'à la fin de sa vie, presque jusqu'à la fin de sa vie. Les deux, trois dernières années, il a été dans un état physique, et en plus la mort de sa femme, puis d'une de ses filles, ont été pour lui des chocs affectifs épouvantables. La dernière image d'un Marx encore un peu en vie remonte aux dernières heures de Jenny, alors qu'elle est sur son lit de mort. Marx, lui-même très malade, vient s'asseoir à ses côtés. Eleanor, qui raconte la scène, a la vision d'un jeune couple amoureux. C'est vraiment la dernière image d'un Marx vivant. Ensuite, ce sera celle d'un Marx profondément endeuillé. Marx effectue un dernier voyage en 1882 pour des raisons de santé. Après la mort de sa femme en décembre 1881, Marx va très mal, tant physiquement que moralement. Il avait toujours été fragile des poumons, sans doute à cause d'une tuberculose. Et le climat humide d'Angleterre était pour lui un véritable poison. Marx se rend d'abord en France, mais il y fait le même temps qu'en Angleterre. Il descend un peu plus au sud, mais il pleut toujours. Il finit par gagner Alger, où il voit enfin le soleil et parvient un peu à se reposer. C'est la première fois que Marx quitte l'Europe et ce sera la dernière. Il rentre à Londres, se sentant un peu mieux, mais meurt quelques mois plus tard. C'est comme s'il avait quitté le monde en pleine réflexion. Marx souffrait d'un cancer des poumons. Il allait très mal. Elisabeth Sa femme était décédée 15 mois auparavant. Et il avait également perdu sa fille Jenny, qui était morte à l'âge de 38 ans, en laissant derrière elle 6 enfants. Ça l'a profondément affecté. Mais Marx est resté alerte, vif d'esprit, jusqu'à la fin. Et le fait qu'il soit mort, non pas allongé, mais assis, en est pour moi la preuve. He dies. In his armchair, Marx meurt dans son fauteuil. Un bel endroit pour mourir pour M. Karl Marx. Il était chez lui. Il s'est installé pour lire et faire une petite sieste. Et puis, l'instant d'après, il n'était plus là. Highgate, 17 mars 1883. Le 14 mars, à 3h moins le quart de l'après-midi, le plus grand des penseurs vivants a cessé de penser. Le vide laissé par la mort de ce titan ne tardera pas à se faire sentir. Dans chaque domaine que Marx a soumis à ses recherches, il a fait des découvertes originales. La science était pour Marx une force qui actionnait l'histoire, une force révolutionnaire. Et contribuer au renversement de la société capitaliste, telle était sa vocation. Voilà pourquoi Marx a été l'homme le plus exécré et le plus calomnié de son temps. Il pouvait avoir des adversaires, mais il n'a jamais eu d'ennemis personnels. Son nom vivra à travers les siècles, et son œuvre aussi. Les funérailles de Marx furent très modestes. Je crois qu'il n'y avait pas plus d'une douzaine de personnes rassemblées au cimetière de Highgate pour la cérémonie. Hormis Engels et Eleanor, il n'y avait pas grand monde. L'événement est quasiment passé inaperçu. C'était quelque chose de vraiment modeste. Il faut dire que Marx avait très peu publié en Angleterre. Seulement quelques très bons articles dans la presse. Le volume 1 du Capital était sorti en allemand et en français et ne sera traduit en anglais que bien plus tard. Mais peu de temps après ses funérailles, Engels commence à recevoir des lettres du monde entier, à Regenspark, là où il habite. Des lettres qui honorent la mémoire de cette grande figure qu'était Marx. C'est le caractère international de cet hommage qui est frappant. Les lettres viennent de France, d'Allemagne, de Russie, d'Amérique, du Canada, d'Irlande, d'Afrique du Sud. Il y avait donc eu cet enterrement modeste, un peu sinistre, sous la pluie. Mais on voyait déjà émerger ce réseau international bouillonnant qui va donner naissance au marxisme du XXe siècle. Engels a tout fait pour populariser l'œuvre de Marx, achever ce qui restait en suspens, s'occuper de l'édition des œuvres de Marx, passer le flambeau, transmettre le relais à cette nouvelle génération de révolutionnaires qui voit le jour en France, en Allemagne, en Angleterre à un moindre degré. Enfin, populariser ce travail que la mort prématurée de Marx a laissé plus ou moins inachevé. Une sorte de fraternité, je dirais posthume, au-delà du tombeau. Dans l'ordre de l'esprit, Marx et Engels, à mes yeux, sont frères. Demain, j'aurai enfin le temps de consacrer quelques heures à passer en revue les manuscrits que Marx nous a laissés. Il me faut d'abord les lire en entier. Quelle écriture ! À côté de fragments complètement élaborés, d'autres sont à peine esquissés. Tout n'est que brouillon, à l'exception de quelques chapitres. Ce sera un travail de Romain. Cela me presse d'autant plus qu'il n'y a que moi de vivant qui puisse déchiffrer cette écriture, ces abréviations, ce style. Man muss dazu wissen, dass auch das Kapital eben nicht. Il faut savoir que le capital n'est pas, comme on le croit souvent, une œuvre en trois volumes entière et achevée. Marx n'a publié de son vivant que le premier volume. Et encore, il avait prévu de le retravailler. Les volumes 2 et 3 ont été édités par Engels, le deuxième peu après la mort de Marx, et le troisième après 14 années d'un travail acharné. Marx disait toujours qu'il avait bientôt fini, qu'il n'en avait plus pour très longtemps. À la mort de Marx, Engels était convaincu que le volume 2 du Capital était achevé. Et c'était en partie vrai, puisqu'il a pu le publier un an après. Mais ce qui devait être le volume 3 n'était composé que de fragments illisibles, sans oublier l'écriture catastrophique de Marx. Engels commençait déjà à souffrir des yeux à l'époque. Il peinait vraiment pour déchiffrer l'écriture délirante de Marx. Imaginez le travail que ça représente. C'est inimaginable. Pour l'essentiel, le livre 3 est dicté et recopié au propre à partir du manuscrit. D'ici 5 à 6 semaines, ce premier travail sera à peu près fini. Puis viendra la très difficile rédaction finale qui exigera beaucoup de travail. Mais c'est brillant, et ça éclatera comme la foudre. Engels hat für die Publikation dieser Bände 2 und 3. Il faut dire que Engels ne pouvait pas se baser sur des manuscrits achevés. Keineswegs auf fertige Manuskripte zurückgreifen können, sondern pour éditer ces deux volumes du Capital, aus einem sehr großen Manuskript. Il a donc dû sélectionner parmi les liasses et des liasses de manuscrits. Das heißt also, das was wir als Band 2 und 3 des Kapital lesen, en fin de compte, ist ein Werk von Engels. Les volumes 2 et 3 du Capital sont davantage l'œuvre d'Engels que celle de Marx. Il y a un débat sur la question si Engels a été fidèle à Marx ou si c'est les changements qu'il a faits, sans doute, dans le texte, sont d'une manière qui a falsifié le texte et les intentions de Marx. Je dirais clairement non. Le caractère de brouillon, le caractère de première esquisse est bien gardé. Dans ses notes, Marx réfléchit à ce qui pourrait provoquer la crise finale du capitalisme. Mais on le voit bien, notamment lorsqu'il travaille sur la baisse tendancielle du taux de profit, que sa théorie ne va pas au-delà de l'ébranlement. Il écrit « ébranlé », »,« erschüttert » en allemand. De leur côté, les sociaux-démocrates allemands attendent avec une grande impatience le volume 2 du Capital, qui doit révéler le grand dénouement, la crise finale du capitalisme. Lorsque Engels édite ce second volume, il est lui-même pressé par Bebel et quelques autres d'arriver à un dénouement. Engels se résout finalement à remplacer le verbe « erschüttert » ébranlé par « zusammengebracht » effondré. Il professe donc que le capitalisme va s'effondrer. Ce qui a donné lieu en anglais à la « collapse theory ». La théorie de l'effondrement. Cette théorie promue par Engels le sera ensuite par Kautsky et ainsi de suite tout au long du XXe siècle. Alors ça, le chapitre Engels est un chapitre très long et très compliqué. Très très long et très compliqué. Que pour ma part, j'aborde, comme beaucoup, avec une très grande sympathie pour Engels, qui est un homme absolument remarquable, y compris humainement, tout à fait remarquable, mais qui n'a pas fait que des bonnes choses. S'il s'est développé dans le marxisme du XXe siècle, tout un courant de critiques d'Engels, considéré comme le mauvais génie de Marx, comme celui qui avait précisément mis Marx en formule, etc., c'est pas entièrement dénué de raison. Il y a chez Engels, par exemple, dans l'ordre philosophique, surtout dans l'ordre philosophique. Parce que Engels n'a pas une grande formation philosophique. Et dans ce domaine-là, on voit que Engels n'est pas aussi fondamentalement critique que Marx. Il a plus tendance à chercher la formule philosophique, vous voyez, voilà. Le texte philosophique pédagogique, un peu simple, sans mesurer souvent l'effet secondaire de tout ça sur l'esprit. C'est-à-dire l'accoutumance à une façon plus doctrinaire de penser. Ce que Marx ne fait jamais ou quasiment jamais. Alors, Engels a changé. On ne doit pas accepter toutes ses décisions comme éditeur, mais il n'a pas fait des erreurs vraiment graves et il n'a certainement pas falsifié les textes de Marx. Moi, sur le plan philosophique, je pense qu'il faut faire très attention à ne pas prendre pour argent comptant tout ce que peut dire Engels de la pensée de Marx, par exemple. Voilà. Mais le bilan, si nous voulons parler ce langage sommaire, le bilan d'ensemble est quand même un bilan formidable. Marx starb ja 1883 und Friedrich Engels hat ja dann noch 12 Jahre länger gehabt. Quand Marx meurt en 1883, Friedrich Engels a encore 12 ans à vivre. Und ein Jahr lang hat Friedrich Engels den Nachlass. Il va passer une année entière dans la maison de Marx à trier ses papiers. Und hat auch den Briefwechsel von Il relit également leur correspondance. Mit ihm durchgesehen und dabei soll er einige Briefe zerstört. On dit qu'il aurait détruit quelques lettres à cette occasion, qu'il les aurait brûlées. Jürgen Heras. Wobei jetzt die Töchter selbst. Mais Engels n'est pas le seul. Il faut savoir que les filles de Marx, Eleanor et Laura, die waren sich selbst auch einig, dass ont également détruit une grande partie de la correspondance de Marx et Jenny, Jenny Marx, dass sie ihn nicht pour qu'elle ne parvienne jamais entre les mains d'Engels. In diesem Briefwechsel offensichtlich innerhalb der Familie Marx sich man auch relativ häufig negativ über Engels. Marx et Jenny y auraient souvent évoqué Engels dans des termes peu flatteurs. Eleanor schreibt an ihre Tochter, sie wird auf alle Fälle schauen, dass Friedrich Engels diese Briefe nicht zu sehen bekommt. Eleanor voulait à tout prix éviter qu'Engels ne découvre ses lettres. In Engels's later years, on the one hand there was Tristram Hunt. Some happiness that he was recognized across Europe. Vers la fin de sa vie, Engels savourait le fait d'être reconnu dans toute l'Europe comme une figure centrale de l'histoire de la pensée socialiste et marxiste. Il suivait également avec grand intérêt l'évolution des partis socialistes et marxistes vers la fin des années 1880. And he was feted abroad. Il était célébré à l'étranger et il entretenait une riche correspondance avec les jeunes générations qui étaient en admiration devant le vieux londonien, comme on le surnommait. Engels donne l'impression d'avoir eu une belle vie. Il disait souvent qu'il aurait aimé pouvoir jeter un petit coup d'œil dans le prochain siècle parce qu'il avait de grands espoirs pour l'avenir du socialisme. Engels a toujours été quelqu'un d'optimiste. Vertu préférée ? La gaieté. Idée du bonheur ? Un château Margaux 1848. Idée du malheur ? Aller chez le dentiste. Maxime préférée ? Take it easy. But his actual death was very sad because la mort d'Engels a été particulièrement triste parce qu'il souffrait d'un cancer de la gorge. Lui qui était un si bon vivant, qui aimait le champagne, l'un des tout premiers adeptes de la gauche caviar. Ses derniers jours, ses derniers moments ont donc été très difficiles. Il avait perdu sa voix. Il ne pouvait plus communiquer qu'en écrivant sur une ardoise. C'est une fin très triste. Mais je pense qu'il a tout de même pu profiter du respect et de l'admiration qu'on lui a voué à la fin de sa vie, libéré de la présence de Marx, d'une certaine manière. Pendant toutes ces dernières années, il a enfin pu être son propre maître. Nicht umsonst sagt man heute über Friedrich Engels so eine Biographie. Ce n'est pas pour rien qu'on dit souvent d'Engels, dass das eben der Mann ist, der den Marxismus erfunden hat. Qu'il est l'homme qui a inventé le marxisme. Béatrix Bouvier. Dass es sozusagen eine Formationsphase von Marxismus gegeben hat, der weit zurückreicht. Cette phase de construction du marxisme a donc débuté très tôt. Man sollte auch nicht vergessen, dass Friedrich Engels da eine große Rolle gespielt hat. Et Friedrich Engels y a joué un rôle crucial. Der ja seinerseits schon der erste Interpret. Il a été le premier interprète de Marx. Und sicherlich mit très certainement avec l'accord de ce dernier. Etwas in die Welt gesetzt hat. Was man vielleicht cette première interprétation a fait émerger könnte, quelque chose qui n'est pas de Marx, Marxismus ist, mais qui fait cependant partie du marxisme. Wenn man den frühen Marxismus betrachtet, dann ist das einerseits eine Phase, le marxisme a poursuivi sa phase de construction à travers une génération qui s'est considérée comme élève de Marx. Nun darf man aber natürlich nicht vergessen, il ne faut pas oublier que Wilhelm Liebknecht lui-même se disait marxiste. Sich für einen Marxisten gehalten hat und die Sozialdemokratie des 19. Jahrhunderts et qu'il avait conçu son parti social-démocrate comme un parti marxiste. Es gibt ja eine Gründungsphase. Ce premier marxisme eben auch Liebknecht eine Rolle spielt. Est donc né avec des gens comme Liebknecht, dann eine Generation jünger, Rosa Luxemburg oder Karl Kautsky, et plus tard avec Rosa Luxemburg et Karl Kautsky, das für sich in Anspruch genommen haben, also tous Marx-Schüler zu sein, se revendiquaient du marxisme et se considéraient comme des élèves de Marx, lebendig geduldet hat. Des élèves autoproclamés, bien sûr, car Marx avait toujours refusé d'avoir des disciples. Karl Marx a dit un jour de sa plus jeune fille, Eleanor, qu'il surnommait Tusi. Whose nickname was Tusi. He said, Tusi is me. Tusi, c'est moi. She had done things that her Eleanor faisait pour Marx ce que sa mère et sa sœur Jenny avaient aussi fait pour lui. Elle était la secrétaire de son père, son scribe. Elle l'accompagnait à la bibliothèque. Elle l'aidait dans son travail. But she went beyond that. Mais Eleanor est allée bien plus she loin. Became a philosopher and a thinker as well. Elle est devenue une philosophe, une and penseuse. Actually, in interesting ways, il faut d'ailleurs dire, et c'est intéressant à souligner, qu'elle s'est beaucoup disputée well, avec Marx. C'est un élément fondamental dans l'évolution de sa pensée politique. For many years, and too many years, there was this idea that pendant trop longtemps, on a fait d'Eleanor Marx la simple secrétaire de son père, toujours dans son ombre. Moi, je préfère l'image d'Eleanor juchée sur les épaules de son père, qui découvre quelque chose de nouveau. Eleanor se souvient dans ses mémoires que petite, elle jouait au cheval avec son père. Marx la hissait sur ses épaules et galopait dans tous les sens. Mais elle se souvient surtout de la vue qu'elle avait de là-haut. Et j'aime beaucoup cette image. Car pour moi, si l'on considère l'évolution de sa pensée politique, Eleanor se tenait là aussi, sur les épaules de son père. Elle avait grandi à l'intérieur même du marxisme, mais avec cette hauteur, cette perspective qui permet de voir les choses autrement. Eleanor est l'héritière de Marx, absolument, parce que d'une part elle attache beaucoup d'importance à la pensée du père, beaucoup d'importance à la théorie, Michel Perrault. Et puis qu'elle est très très militante. Elle est militante pour défendre la pensée de Marx, par exemple dans les congrès. Et puis elle s'engage personnellement, et elle s'engage notamment auprès des ouvriers, hein, dans les grèves, où elle se met à la disposition des ouvriers comme oratrice. Elle était très très bonne oratrice, pour défendre leurs droits et mettre son argent, son énergie, sa parole à leur service. Oui, c'est une très très grande militante et elle s'est beaucoup battue pour ça. Ce qui caractérise cette grande figure intellectuelle et politique qu'est Marx, et j'entends par là Eleanor Marx. C'est sa compréhension profonde et rigoureuse du capitalisme, tel qu'il avait été analysé par son père. Mais Eleanor a aussi été en désaccord avec lui sur de nombreux points, sur le féminisme par exemple, le syndicalisme ou sur la question de la démocratie représentative. Eleanor Marx, c'est l'héritière légitime, la gardienne de la flamme. Mais c'est aussi celle qui a mis la pensée de Marx à l'épreuve, qui l'a fait avancer, qui l'a poussé plus loin. Et je suis convaincue que c'est la voix d'Eleanor Marx, la voix de l'héritière, qui nous parle aujourd'hui. Vertu préférée. Vérité et courage. Héros préféré. Garibaldi. Poète préféré, Shakespeare. Couleur préférée, blanc. Maxime préférée, Go Ahead. Les héritiers de Marx, après la mort de Marx, sont tous ceux qui lisent ses œuvres et qui s'approprient non seulement ses œuvres, mais surtout, à vrai dire, ses concepts pour essayer de penser la critique du capitalisme et penser l'émancipation politique, politique concrète. On les trouve partout, hein, ces marxiens et marxistes-là. Johann Chapoutot. Peut-être que la figure la plus remarquable parmi ces héritières et ces héritiers est celle de Rosa Luxembourg, une femme... d'un brio intellectuel et d'un courage politique personnel absolument ahurissant, qui a, de manière très féconde, poursuivi la réflexion de Marx et d'Engels sur les questions de son temps, et notamment sur l'impérialisme, sur la nation, sur la question des femmes, la question des colonies. Une femme immigrée, juive, polonaise, venue de rien ou de pas grand-chose, et qui était une intellectuelle de premier plan, et dont la parole, en discours certes, mais aussi dans la presse, par ses articles, par ses éditos, étaient d'une puissance et sont encore d'une puissance absolument inégalée. Comme Marx, elle fait partie quand même de ceux qui ont une œuvre économique. Rosa Luxembourg a soutenu une thèse en Suisse, en exil, sur l'industrialisation de la Pologne. Jean-Numa Ducange. Et elle va continuer à s'intéresser de très près à l'économie. Et elle va fournir une contribution à l'accumulation du capital avant la Première Guerre mondiale, qui va être très discutée dans le socialisme international. Pour elle, il faut continuer à la fois le combat politique quotidien et comprendre le capitalisme dans ses bouleversements notamment par la financiarisation du capital que Marx n'a pas connu ou très marginalement de son vivant. Donc de ce point de vue-là, elle lui est très fidèle. Et c'est quelqu'un qui a été identifié de manière, hélas, très pertinente par ses adversaires comme étant le pire danger d'émancipation. C'est pour cela que la réaction allemande, la réaction militaire, policière, politique, les ennemis de la révolution en Allemagne ont été impitoyables envers Rosa Luxembourg et l'ont assassinée de manière atroce parce qu'ils avaient bien identifié en elle le ferment et le danger d'une révolution en même temps que l'incarnation de cette révolution-là. C'était une figure écoutée et appréciée de l'internationalisme socialiste. C'était quelqu'un qui avait évidemment pas connu Marx, mais qui était la génération juste après, qui avait connu pour le coup des gens qui avaient été très proches de Marx. Donc avec elle disparaît effectivement un pan entier, à la fois de la réflexion socialiste et d'une certaine... C'est une des dernières figures à avoir été économiste, militante, politique, aussi très polyvalente. En plus, c'est une femme, faut se remettre dans un contexte où c'est très, très, très majoritairement masculin. Well, La question du rapport de Marx aux femmes se résume souvent à une accusation générale du marxisme, à qui on reproche d'avoir occulté la question du genre, ce qui n'est pas faux. Michael Sanders. Mais on doit aussi reconnaître que le marxisme a été une source d'inspiration fondamentale pour de nombreuses femmes intellectuelles de premier plan. À commencer par la fille de Marx, qui a joué un rôle crucial dans le développement de la gauche britannique. Mais on pense aussi immédiatement à Rosa Luxembourg et Clara Zetkin pour ce qui est de l'Allemagne. J'ai toujours eu le sentiment qu'en tant que femme, nous avions des scrupules à nous revendiquer marxistes. Et je pense que cela tient moins aux textes de Marx qu'à certains hommes marxistes qui pensent tout savoir. Pour moi, ce qui compte avant tout, c'est de tirer de ces textes une force, une connaissance. Tout en gardant bien à l'esprit que Marx était tout sauf féministe. Marx était un homme de son temps, au sens positif comme négatif du terme. Cela fait aussi partie de sa dialectique. Je pense à la force de cette citation de Marx. Wir haben die Erde. Ist nicht unser Eigentum, wir sind nur Nutznießer. Les sociétés ne sont pas propriétaires de la terre. Elles n'en ont que la jouissance et doivent la léguer aux générations futures après l'avoir améliorée. Ein zweiter Ansatz bei Karl Marx, den ich auch als eine Art kategorischen Imperativ. Ou encore celle-ci que Marx considérait lui-même comme un impératif catégorique. Es kommt darauf an, alle Verhältnisse zu verändern. Il faut renverser toutes les conditions sociales où l'homme est un être abaissé, ein verlassenes, ein geknechtet, asservi, abandonné, méprisable. Also es ist wichtig, an die verschiedenen Unterdrückungsverhältnisse heranzugehen. Pour Marx, il était nécessaire de s'attaquer à toutes les formes d'oppression. Je m'appelle Katja Kipping. Je suis coprésidente du parti allemand Die Linke. Je suis née le 18 janvier 1978 à Dresde, en Allemagne de l'Est. Le plus problématique dans l'héritage de Marx, à mes yeux, ce sont ceux qui se sont autoproclamés les héritiers de Marx. Pour moi, il ne s'agit pas tant de se considérer comme héritier de Marx que de reconnaître ses textes comme l'une des meilleures écoles de pensée critique et de pensée en action. Quiconque ouvre un de ses livres et en discute avec un autre pour améliorer son action politique peut se dire héritier de Marx. Der kann sich, wenn will, als Erbe fühlen. Ich zum Beispiel habe gar kein Bedürfnis der Erbe. Pour ma part, je ne ressens pas le besoin d'être l'héritière de qui que ce soit. Für mich ist einfach wichtig, dass ich Erkenntnisse, die Menschen. Pour moi, le plus important, c'est de continuer à mobiliser les enseignements de gens comme Karl Marx, Rosa Luxembourg ou Antonio Gramsci. Wichtig, ich sage immer, für Linke heutzutage. Se saisir d'un livre peut être un acte profondément révolutionnaire pour la gauche d'aujourd'hui. Si cela vise à mieux saisir les enjeux et à être plus fin, plus intelligent dans la lutte. Gérald Lecor. Effectivement, les lectures de Marx aujourd'hui, elles sont pleinement, je veux dire, d'actualité. Je veux dire, ça nous permet d'aller au-delà de la dénonciation du capitalisme et d'essayer de dépasser aujourd'hui un syndicalisme. C'est-à-dire que le syndicalisme, tel qu'on le conçoit, en tout cas le syndicalisme tel qu'il était aux origines, on essaye de se l'approprier concrètement. C'est-à-dire que on n'est pas seulement là pour défendre les quelques chiffres qui sont en bas de la fiche de paye. Hein, on est là parce qu'on défend un projet de société, parce que on regarde les choses de manière systémique, en fait. Et de dire que si on veut défendre la planète, si on veut défendre les riverains, si on veut défendre les animaux, si on veut défendre les travailleurs, si on veut défendre nos gosses et nos vieux, il n'y a pas d'autre solution que d'essayer de changer le système. Après, comment on fera ça, on verra, mais avec une référence effectivement implicite forcément à Marx. Michael Levy. Je pense qu'il faut penser aussi bien le capitalisme que le socialisme, l'alternative socialiste, en des termes nouveaux en fonction de défis écologiques et de la menace d'une catastrophe sans précédent dans l'histoire humaine qui serait les changements climatiques et tout ce que cela entraîne. Donc, c'est pour ça que moi et certains de mes amis, nous utilisons le terme éco-socialisme ou éco-marxisme pour signaler qu'il y a quelque chose de nouveau en fonction d'une conjoncture nouvelle. Et partant évidemment de Marx, mais en allant au-delà, parce que maintenant, la question écologique est au centre de la réflexion et de l'action. C'est tout le modèle de la civilisation industrielle capitaliste moderne qu'il s'agit de renverser. Donc, ce n'est pas simplement une transformation de la propriété. C'est un changement beaucoup plus profond, beaucoup plus global. C'est tout un autre mode de vie qu'il faut penser. La révolution à venir, pour Marx, c'est la révolution qui exigera, il le dit quelque part, le plus grand effort que l'humanité ait jamais fait. Isabelle Garraud. Et cet effort, c'est un effort sans précédent parce qu'il va falloir à la fois renverser un pouvoir extrêmement puissant, mais il va falloir être capable d'organiser notre avenir de façon consciente et de façon savante, je dirais, c'est-à-dire en connaissant le fonctionnement du capitalisme, en élaborant aussi une connaissance des fonctionnements sociaux et économiques. Et c'est là qu'on voit apparaître ce qui est le propre vraiment de la pensée de Marx, à savoir pas une pensée scolastique, pas une pensée de pure universitaire, mais une réflexion qui essaye justement d'être un des aspects de cette révolution, d'être un des moyens pour que cette révolution, à un moment donné, parvienne à réussir, à construire un autre monde. Moins tu manges, moins tu bois, moins tu achètes des livres, moins tu vas au théâtre, au bal, au café, moins tu penses, moins tu théorises, moins tu aimes, moins tu chantes, moins tu peins, plus tu épargnes, plus ton trésor grossit, ton capital. Moins tu es, moins tu manifestes ta vie, plus tu possèdes, plus ta vie aliénée grandit. Il y a peu de questions sur lesquelles j'ai aussi longuement travaillé que la question de la pensée de l'humain chez Marx. Lucien Sèvres. Qu'est-ce qu'une vie et qu'est-ce que la vienne, pour commencer? Parce que faire tout un chemin de vie avec Marx, avec une question anthropologique en tête, c'est pas perdre son temps. Ce qu'on sait peu, c'est à quel point une phrase étonnante, à quel point cette phrase étonnante est profonde pour Marx. Cette phrase est: le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous. Beaucoup de gens ont pensé qu'il y avait là un malentendu. Ce serait pas l'inverse plutôt? Est-ce que c'est pas le libre développement de tous qui est la condition du libre développement de chacun? Ben, pas du tout. Pour Marx, c'est bien comme ça. La dimension personnelle est une dimension absolument capitale du communisme. C'est ce que j'ai appelé l'individualisme de Marx. Pour Marx, le communisme, c'est pas seulement l'émancipation du genre humain, l'émancipation de tous. Mais ça n'a de sens que si chaque individu devient un être complètement autonome, qui se soit pleinement rendu maître de ses possibilités humaines. Autrement, vous avez en réalité émancipé de manière purement extérieure des êtres qui n'auront pas été autonomisés intérieurement. Rien de collectif n'est possible qui n'ait en même temps une pleine dimension individuelle. Sinon, son sens est totalement aliéné. Voilà. Je pense que ça, c'est une des pires choses qui sont arrivées au communisme au XXe siècle. Et que si le communisme peut, et selon moi doit, avoir encore sens au XXIe siècle, c'est en récupérant entièrement cette dimension individualiste qui est si fondamentale dans la pensée de Marx. Le communisme tel que défini par Marx, c'est une volonté d'appropriation de soi. Johann Chapoutot. C'est-à-dire vivre une vie où on déploie ses propres potentialités en toute liberté, sans être contraint de faire autre chose ou de renoncer à soi-même. En ce sens-là, Marx est un homme de l'Antiquité. C'est pas pour rien qu'il a fait sa thèse sur Démocrite et sur les matérialistes grecs. C'est un homme qui est nourri de cette Antiquité où l'idéal de l'homme, c'est l'idéal de l'homme libre, d'être proprement soi, d'être soi en propre, c'est-à-dire non aliéné. Tant que l'on est pris dans ce système de production, de rentabilisation et d'aliénation que Marx a si bien décrit et analysé et critiqué, tant qu'on est pris dans ce monde-là, il n'y a aucune raison pour que Marx soit passé de saison. Ce qui m'a toujours fasciné chez Marx, c'est son insatisfaction fondamentale face au monde tel qu'il est. Ingo Schulze. Ce constat très pragmatique que certains d'entre nous vont mal, alors que d'autres ne savent plus comment faire pour aller encore mieux. Marx part de cette injustice fondamentale et s'en saisit réellement dans la pratique. Il veut savoir ce qui se passe. Cette approche m'a toujours paru convaincante. On manque aujourd'hui de cette capacité à interroger les fondements matériels qui conditionnent la pensée, à poser la question des besoins et des intérêts. Quand on est confronté comme aujourd'hui à une réalité aussi opaque, il faut toujours se demander à qui cela profite, qui augmente son pouvoir, qui assure ses positions, qui garde les autres à distance. Quand on aborde le monde avec ces questions très simples, on est sûr d'obtenir des réponses assez claires. C'est très simple, si je puis dire. Lorsque Marx pose la plume et meurt, ce qu'on appelle le capitalisme ne concerne jamais que 3 ou 4 pays. Pierre Bergougnou. Marx n'a connu que l'aube de cette époque. Pour que les choses prennent un tour décidé, planétaire, comme déjà il l'envisageait, il fallait que ce soit l'ensemble du genre humain qui gémisse sous les chaînes du salariat. La totalité de la surface du globe a été conquise ou gagnée par le mode de production capitaliste. Tous les hommes savent désormais ce que c'est que la condition salariale. Nous vivons effectivement à l'époque de l'hégémonie totale du capital sur la planète, avec des conséquences dramatiques du point de vue social et écologique. Donc, je pense que ça rend la pensée de Marx plus actuelle que jamais, hein, plus nécessaire que jamais, puisque la question de dépasser le capitalisme, de renverser le capitalisme est plus actuelle que jamais. Hein. Bon, ça ne veut pas dire que les écrits de Marx sont suffisants pour affronter les tâches du XXIe siècle, hein, mais ils sont nécessaires, ils sont indispensables. Well, one of the things I say to my students is, comme je le dis souvent à mes étudiants, ne croyez pas que vous ne faites que regarder dans le rétroviseur. Ce que vous lisez du passé est une version potentielle de l'avenir. Et ce que je vois aujourd'hui, quand je regarde dans la rue, ce sont des sans-abri. Ce que je vois, ce sont des gens qui souffrent de la précarité et d'autres qui sont rendus malades parce qu'ils travaillent trop. Et tout ce que je vois a déjà été décrit dans le Capital. Bien sûr, le cadre a changé, mais la situation est la même. Pour moi, Marx, c'est la dénonciation d'une société qui n'est pas faite pour les humains. Et ce que je constate, c'est que nous vivons encore aujourd'hui dans une société qui n'est pas faite pour les humains. C'est pour cela que Marx est toujours là. C'est pour cela qu'il est toujours aussi important et aussi pertinent. Et c'est aussi pour cela que ses idées font toujours autant peur aux riches et aux puissants. Il vivra aussi longtemps que vivra le monde dont il était en quelque sorte la pensée. Il est de certains textes qui sont à proprement parler des forces dans le monde, qui agissent directement sur le monde, s'apparentent effectivement à une panoplie, alors je rêve un peu là, des fusils à silex, des casse-têtes, des haches d'abordage, des poignards, dont l'esprit, la cervelle des prolétaires peut s'armer pour engager la lutte, comment disions-nous, finale. And that's what Marx showed us, showed me basically that how capitalism doesn't work. Marx nous a montré que le capitalisme, ça ne fonctionnait pas. Paul Kelly. And there's an alternative, and there is an alternative there. Et qu'il y avait une alternative. That progresses humanity. Une alternative qui ferait avancer l'humanité. That collectivizes the human spirit, that spreads it out there. Qui serait une mise en commun de l'esprit humain, une alternative qui se soucierait de l'humanité. That cares, you know, that's what it does to me. Marxism cares. C'est ça pour moi le marxisme, se soucier des hommes. I think it's well worth fighting for. Je pense que ça vaut le coup de se battre pour cela. If I don't benefit from it, somebody might in the future, and that's what it's all about. Et même si je n'en profite pas, ça servira toujours à d'autres. Fighting for the future of humanity. Il faut se battre pour l'avenir de l'humanité. Donc, ce qu'il faut inventer, ce qu'il faut produire finalement, c'est que la grande majorité des humains deviennent rapidement plus capables qu'ils ne sont aujourd'hui de prendre les choses en main. Je ne sais pas quelle était sa couleur préférée. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vais-je dire en vert? Peut-être en vert. Parce que le vert, c'est aussi l'espérance, non? Hein? Oui, peut-être en vert. Karl Marx, l'inconnu. Avec les historiennes Béatrix Bouvier, Rachel Holmes et Michel Perrault. Les historiens Fabrice Ben-Simon, Johan Chapoutot, Jean-Numa Ducange, Jürgen Herres, Tristram Hunt, Eberhard Illner et Gareth Steadman-Jones. Les syndicalistes Paul Kelly, Gérald Lecor et Pierre Louvard. La femme politique Katia Kipping. Les économistes Jacques Attali, Rolf Hecker et Michael Kretke. Les écrivains Pierre Bergugnou et Ingo Schulze. L'essayiste Anne Longuet-Marx. La directrice de la Karl Marx House, Elisabeth Neu. Les chercheurs Gerald Hauptmann, Götz Lankau et Michael Sanders. Les philosophes Alix Bouffard, Michael Heinrich, Isabelle Garot, Michael Levy et Lucien Sèvres. Voix, Catherine Boguet, Gabriel Dufay, Laurent Lederer, Mohamed Rouhabi et Andrea Schiffer. Attaché d'émission, Sarah Godard. Traduction, Lou Elio. Documentation, Maria Contreras, Romain Couturier. Merci à Jean-Numa Ducange et aux éditions sociales. Prise de son, Nicolas Mathias, Éric Audran et Alain Joubert. Mixage, Claude Niort. une série documentaire de Christine Le Cerf, réalisée par Franck Lilin.